Et pour terminer, un petit sonnet satirique sur la cour pontificale. Marcher d'un grave pas. Marcher d'un grave pas et d'un grave sourcil, et d'un grave sourire à chacun faire fête. Balancer tous ces mots, répondre de la tête, avec un messer non, ou bien un messer si. Entremêler souvent un petit « ecosi » et d'un « son serviteur » contre frère l'honnête. Et comme si l'on eût sa part à la conquête, discourir sur Florence et sur Naples aussi. Seigneuriser chacun d'un baisement de main, et suivant la façon du courtisan romain, cacher sa pauvreté d'une brave apparence. Voilà de cette cour la plus grande vertu, dont souvent, mal monté, mal sain et mal vêtu, sans barbe et sans argent, on s'en retourne en France.